en surface brute, 12 000 m². 6 niveaux, un premier niveau de parking, un niveau d'atelier pédagogique, plutôt expérimentation, avec l'atelier maquette et. Je pense pas que design. Je le dirai, moi. Parce que je pense que ça. Ça va pas jouer un grand rôle dans ma vie. Il y a un pôle administratif qui est du côté. Le matin, oui, le matin, c'est. Il me fait peur. Le matin. Reste 450 m² de surface au sol accessible pour une construction éventuelle. Donc on a un foncier. Pour en avoir fréquenté un autre, oui. Je suis partie un an à l'étranger, donc oui, ça m'arrivait de penser à lui. Ouais, on a des flashbacks, des rêves ou des choses. On a un système d'accès, de double accès à la fois par la rue et par les passerelles. Effectivement, j'en parle en tout cas parce que les gens sont en général curieux, savoir, surtout que ça fait peu de temps que. Voilà. Et j'aime bien parler de lui, quoi, de le. Bon, j'ai une amie architecte, évidemment, quand on s'est vu, je lui ai. Certaines choses, je lui ai envoyé des photos de lui, voilà. On a beaucoup d'infiltrations de pluie, d'eau donc, et puisqu'il y a beaucoup de successions de terrasses. Il est là, il est imposant et posé, et devant nous, on le voit, on profite de lui. Et puis on a surtout un gros problème de chauffage, parce que le bâtiment est très éclaté et donc il y a une perméabilité par rapport à l'extérieur qui est très forte. Ça va être sa matière et sa forme qui va nous donner quelque chose à vivre en fait. Il y a à peu près 40 de salles de cours. J'ai toujours voulu venir le voir. Du coup, maintenant que j'y suis, j'ai pas du temps envie de le quitter. Je pense que. Il nous aura montré une expérience en fait qui serait un peu inoubliable en fait en quelque sorte. Ce qui nous a fait vivre, c'est ça qui va nous manquer. Le bâtiment a l'air complexe, mais en fait, il est assez simple à comprendre. Le bâtiment a l'air complexe, mais en fait, il est assez simple à comprendre.